venu est pour demain, aussi nue que l'est ma main. Je suis sûr qu'elle sera bien, je suis sûr, mon 31. La dernière j'en avais marre, pour bien faire elle se barre. Son profil toujours présent, mars, avril, c'est suffisant. Ah j'en rêve, je l'imagine, fille lève, diva divine, diva divine, diva divine. Dans la lave de mon désir, ah j'en bave pour la saisir. Et les selles bien épilées, elle est celle qui va m'aller. Il faut que son sexe émerge du cœur de la forêt vierge. Son bassin, ses reins seront comme ses seins se rinceront. Ah, j'en crève, je l'imagine, fille brève, diva divine, diva divine. Sa place, moi en bleu dans l'atelier, elle sur le calendrier.